nous étions seuls dans la nuit, que toi et moi cette mélodie, je la chantais. My sweet song, je me rappelle les soirs d'été, c'était comme un conte de fées. Je peux m'entendre encore chanter my sweet song, my sweet song. Nous étions chercher d'abri, nous étions à la merci du destin, oubliant les chagrins du lendemain. Cette mélodie que j'aimais tant, mon cœur pense aux jours d'été. My sweet song, my sweet song. Nous étions seuls dans la nuit, que toi et moi cette mélodie, je la chantais pour toi la nuit. My sweet song, my sweet song.